7h05, Frédéric Sigrise, votre blockbuster, si j'ai bien tout compris, c'est She-Hulk, une série de super-héros qui a fait polémique, que vous avez trouvé imparfaite et dont la diffusion s'est achevée il y a 3 semaines. Vous savez nous faire envie, hein ? Oui, Mathilde, vous savez, je vote à gauche à chaque élection, donc ça vous montre combien j'aime les causes perdues. Oui, ce matin, j'aimerais revenir sur la série She-Hulk, alias Jennifer Walters, sur Disney+. Une série qui, durant 9 semaines, a littéralement mis le feu à une grosse partie de son public. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un réagir aussi violemment à des images, c'était une copine épileptique à un voyage de classe au Futuroscope. Chaque semaine, sur les réseaux sociaux, tu pouvais lire « c'est nul, navrant, mauvais en tout, inutile ». On aurait dit un de mes bulletins scolaires. Ou Jean-Luc Mélenchon qui parle d'Emmanuel Macron. En lisant tout ça, j'avais personnellement l'impression que la série avait insulté les mamans des 3/4 des internautes qui fréquentent Twitter. Mais la question, c'est de savoir si ces critiques sont méritées. En partie, Mathilde, parce que Marvel Studios, le studio à l'origine de ça, a voulu changer de style en créant une sitcom judiciaire de 30 minutes. Une sorte d'Ally McBeal au pays des super-héros. Ce qui en fait littéralement une des adaptations de bande dessinée les plus fidèles que Marvel Studios a commis sur petit et grand écran. Car She-Hulk en BD, c'est ça. Une avocate verte de 2 mètres, irradiée au rayon gamma suite à une transfusion sanguine de son cousin qui défend des affaires judiciaires impliquant des super-pouvoirs. Par exemple, si vous couchez avec un métamorphe qui prend l'apparence de votre femme ou de votre mari, est-ce que c'est une infidélité ? Vu que Spider-Man a une identité secrète, est-ce qu'il est en droit de toucher de l'argent sur l'exploitation des produits dérivés autour de son nom ? Le genre de question qui, après 10 années de blockbuster au cinéma, m'intéresse bien plus que de savoir qui est le plus fort, Thor, Hulk ou Thanos. Oui, mais ce parti pris n'a pas plu à tout le monde. Ah bah c'est le cas de le dire, hein. Déjà rien que le personnage de She-Hulk, en 9 semaines, c'est devenu la Sandrine Rousseau de Marvel Studios. Comment l'expliquez-vous ? Quoi qu'ils disent, ça énerve. Comment l'expliquez-vous ? She-Hulk a les mêmes pouvoirs que son cousin, mais pas le même physique, car elle a été créée à une époque où une héroïne pouvait être musclée, tant qu'elle restait sexy. Ensuite, Jennifer Walters, c'est une brillante avocate d'une 30aine d'années, célibataire, indépendante financièrement, qui n'a pas vécu les traumas de son cousin. Elle aime sortir et s'envoyer en l'air de temps en temps. Bref, une femme bien dans sa tête qui se retrouve avec des super pouvoirs et le physique d'une Beyoncé dopée au rayon gamma. She-Hulk n'est pas du genre à broyer du noir en regardant la photo de ses parents comme Batman ou de son tonton disparu comme Spider-Man. Elle s'éclate, et si ça te plaît pas, elle t'éclate. Un personnage tellement émancipé qu'elle a même conscience d'être un personnage de bande dessinée et s'adresse des fois directement au lecteur ou même au dessinateur de ses aventures quand elle n'est pas satisfaite de la tournure des événements. Sur le papier, le personnage n'avait rien à voir avec ce qui s'était déjà fait et risquait de toute façon de déplaire à une frange de fans plus conservateurs que ce qu'on retrouve dans le lait demi-écrémé. Donc, Kevin Feige, le producteur de Marvel Studios, et Jessica Gao, la showrunneuse, ont décidé d'y aller à fond en intégrant les trolls et leurs critiques dans leur propre série. Dès le premier épisode, She-Hulk doit faire face à du harcèlement en ligne, à des critiques d'internautes mettant en doute sa légitimité, ses pouvoirs, des critiques qui ont effectivement été émises dans le monde réel, comme si Jessica Gao avait vu dans le futur et que le quatrième mur était effectivement brisé. En les intégrant ainsi dans la narration de la série, on en venait à se demander si les épisodes n'étaient pas écrits semaine après semaine, là où la réalité est beaucoup moins glorieuse, c'est juste que nous les fans, on est devenus simplement prévisibles dans nos excès. À un tel point qu'une entreprise comme Disney peut désormais se servir de nous et de nos buzz de la semaine comme home sandwich de leur programme. Alors attention, si vous n'avez pas encore vu la série, je vais faire un petit spoil. Oh. Attention, vous pouvez partir. Dans un dernier épisode qui devait apparaître à côté du mot cynisme dans le dictionnaire, She-Hulk s'échappe de l'application Disney+ littéralement pour se plaindre du scénario à Kevin en personne. Kevin qui n'est pas un humain mais un robot, une intelligence artificielle qui pond des histoires à la chaîne et qui lui demande de se retransformer en Jennifer parce que les effets spéciaux d'elle en She-Hulk coûtent trop cher et que les équipes de techniciens sont déjà parties sur un autre projet. À ce moment-là, on entend les quelques notes du thème de Black Panther 2 qui sort dans 15 jours. Vous imaginez le niveau de méta ? Alors certes, She-Hulk n'est pas sur la forme une grande série, mais ce qu'elle aura réussi à dire sur le fond de cette industrie et sur nous les geeks devrait nous impressionner autant que nous angoisser. C'était une chronique introspective donc, Frédéric Sigrise, ce matin.